Alors, est-ce que vous avez comment vous avez ressenti ce second acte? Est-ce qu'il avait une atmosphère différente de celle des précédents? Ce troisième acte, plutôt. Ouais. T'as dit deuxième. Pardon. Donc, ce troisième acte, on plonge un peu plus dans quelque sorte l'horreur, même si c'est plus par rapport à la communauté, qui, elle, n'est pas habituée aux morts. Enfin, aux morts humaines. Les morts d'animaux, les morts non naturelles et surtout les morts d'êtres humains, comme lorsqu'on voit que la bête ne peut plus être préservée, on la tue pour s'en faire un supplément alimentaire, si c'est pas une maladie grave. Là, c'est plus voir la réaction par rapport à la menace de la communauté et des joueuses. Alors qu'il y a peut-être eu moins d'actions qui se sont passées que dans le deuxième acte. Le premier acte, lui, il est un peu à part parce que c'est l'intro, il y a pas tant de choses qui se sont passées, si on résume. Mm-hmm. Et donc là, c'est encore une ambiance différente qui, elle, est beaucoup plus dans la dimension du deuil, tout ça. Moi, ça m'a plutôt plu. Même si je vais pas dire on se remet ça, non, c'est pas. On va pas faire ça juste pour faire ça. C'est simplement, ça permet de voir l'évolution et c'est ça qui est plus intéressant. Mathieu, moi je trouvais ça intéressant parce que ça changeait complètement de la chose. Enfin, non, on sentait depuis l'acte 1 une progression vers l'horreur dans les... crescendo. Non, mais pas dans les crescendo. Non, j'ai dit un crescendo. Oui, alors vas-y. On voilà, j'ai perdu ma phrase, génial. On sentait depuis le premier... On sentait une progression vers le dramatique. Mm-hmm. Et c'est le but, je crois, non? Donc, voilà, si c'est le but, et je suppose que c'est le but, c'est bien fait. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire. Ok. La nuit. Tant que j'y pense, j'ai changé mes attitudes, comme j'ai précisé dans le précédent acte. Gabriel, tu voulais changer les tiennes? Non. Ok, je change au premier acte. C'est bon, on est prêt. C'est un point, vous le rappellerez. Je suis agir selon ses propres intérêts dans l'ignorance de la menace qui a été changée entre l'acte 1 et 2. Avant, c'était fuir la menace. Et entre l'acte 3 et le 4 que nous sommes en train de jouer, c'est se rapprocher par erreur de la menace qui s'est transformée en combattre la menace. D'accord. Donc, c'est un point. Je vous invite à me le rappeler à la fin de l'histoire qu'il faudra qu'on réaborde. Qu'on discute sur... Moi je change d'attitude quand moi ça me paraissait... Oui, mais je souhaite qu'on réaborde ce sujet dans le débrief de fin de partie, d'accord? Vous m'y ferez penser. Trivatre, tu t'es effondré. Tu as sombré loin profondément dans les ténèbres du sommeil et lorsque tu en émerges, en surnages, c'est avec le souvenir du visage te disant « Mon oncle !» Et bien évidemment, elle n'est pas là. Mais elle n'est pas là. Et pourtant, tu es éveillé maintenant au cœur de la nuit. Tu es frissonnant et pourtant tu n'as pas froid. Le feu ronfle dans la cheminée et tu sens l'absence des trois jeunes filles. Tu la ressens au plus profond de toi. Valkov. Le sommeil a été reçu comme un bienfait. Essuyons comme l'averse lavant les immondices accumulés dans la cour, chassant les remugles entêtants des pieuvres rouges qui émergent des œufs. Tu as songé, oui, il y a des souvenirs du songe qui demeurent. De vagues entrelacs, des aspects fugaces. À quoi as-tu pensé la nuit durant ? À la mort de tous. À la mort et à la fuite de la communauté. À la mort et à la fuite des membres de la communauté, de certains membres de la communauté. Au deuil que nous avons tous endossé. C'est avec un sentiment d'urgence qu'il faut fuir le Val d'Ormont que tu t'éveilles au cœur de la nuit. Non. Le mal semble endiguable. Si l'on retire les œufs, nous sommes saufs. Pourtant, tu as le souvenir du Bélistiou, juché sur un cheval éthique. Dont les jambes, les pattes ou les jambes, tu ne sais plus, flageolent, fléchissent sous le poids du Bélistiou qui se tient sur la ligne de crête, dominant Mortagne. Derrière lui, la communauté est elle aussi juchée sur... des chevaux éthiques atrocement maigres dont on voit les côtes saillir, des chevaux squelettiques qui frissonnent dans le vent. Les gens se tiennent indécis sur leur monture, ils ont tout un attirail de casques. Certains peinent à ajuster le masque qui les protégera des gaz de combat, car le temps est celui du combat, de la bataille que se livre l'Empire Oni de Wilhelm. Et les fières troupes de la reine et du roi Georges, dont le boiteux et le capitaine, et au son du sifflet, la troupe s'ébranle et dévale dans un bel ensemble la ligne de crête, se ruant vers la tranchée ennemie de Mortagne. Ah oui. Où la mitrailleuse commence à crépiter et fauche le jeune Niklas. Ah oui. Donc c'est des Russes, des Anglais et... Enfin, oh, non, il n'y avait pas d'Anglais. Et ce sont ces rêves désordonnés et épars que tu emportes avec toi au seuil de l'éveil. Pourquoi j'ai oublié de la bataille de Verdun? Parce que Mortagne, c'est une zone de tranchée. Il y a même un cimetière Mortagne sous mon fort. C'est un cimetière américain. Enfin, une concession américaine qui regroupe énormément de corps. Vous éveillez, vous êtes tous deux éveillés, les autres sommeillent, vous entendez les uns ronfler, les autres d'un souffle qui se confond avec le râle. Vous entendez des gens maugréer, parler dans leur sommeil. Vous entendez aussi sangloter. La maisonnée n'a plus du tout. La nuit joyeuse qu'elle a accoutumée. L'aspect paisible que vous lui aviez toujours connu jusque-lors. Que fais-tu, Trivatre ? Hein, quoi ? Mais c'était son rêve ? Oui, mais toi tu es éveillé. Ah, bah une fois réveillé, je suppose que je suis réveillé plutôt que lors de l'acte précédent. Tu es éveillé, c'est le cœur de la nuit. Tu ah, ok, d'accord, un sursaut. Ce que je viens de. Ah oui, je me suis éveillé en sursaut, tu l'as dit, pardon, excuse-moi. Oui. J'ai été éveillé en sursaut, j'essaie de retrouver le sommeil, mais je suppose que je n'y arrive pas si tu dis que fais-tu. Tu cherches à retrouver le sommeil ? Ouais. Que fais-tu, Valkov ? Tu recherches le sommeil, le repos du sommeil ? Si je vois, si j'ai vu un combat si violent dans ce rêve, c'est sûrement qu'il y a un combat qui se mène. Nous ne sommes pas préoccupés de la menace dont parlaient les jeune fille, et la menace s'est avérée vraie. Il y a eu des morts. Peut-être que c'est l'avenir de la communauté qui se joue maintenant. Donc tu te. Je sors armé d'une pelle et d'une houtote pour retirer tous les œufs qui sont encore à proximité. D'accord. C'est un travail harassant et particulièrement désagréable. Il faut viser juste de la pelle pour ôter l'œuf intègre du sol. Il s'y attache avec toutes ses radicelles, avec toute la force. Et toi, tes forces ne sont présentes que sous forme de rage, de hargne. On va jouer une confrontation sur la ténacité ou la persévérance que tu vas avoir. Idée d'attitude, je l'ai, puisque c'est combattre la menace. Oui. D'aide d'humanité, en oui. Soi, c'est faisable. Oui. Surtout avec ma pelle. Dès de vocation, c'est de l'artiste en soi, je pense que c'est celui qui s'adapte le mieux. Donc. Bah là, il n'y a rien dans tes. Dans tes cordes, non. Et là, tu cherches à te dépasser. Donc il y a des risques. Tu peux. Mais le dé de risque, comme son nom l'indique. Il y a des risques. Et je sais pas si. Non, je pense pas que le dé de traumatisme, je dois le mettre. On peut considérer que tu es encore sous choc. C'est toi qui choisis. Si tu le places, ça veut dire que tu es tu agis à demi éveillé de fait. Tu es encore dans la rage du combat que tu as rêvé. Et cette rage du combat qui te porte. Moi, j'oppose. 5D. Et j'ai pas le dé d'emprise que Mathieu a, hein. Sinon, c'est pas drôle. Mais mon dé d'emprise, je peux m'en servir que sous certaines conditions. Mais oui, mais toi, tu peux lui concéder ton dé d'emprise, mais. Comment je pourrais lui donner ? C'est-à-dire que le fait de te savoir atteint dans. Ah, et si partagé. Par contre, c'est à toi de le justifier de pourquoi tu aurais le droit à mon dé d'emprise. Bon, on verra, on les lance. Non, non, tu les lances consciemment. T'es censé le justifier avant de lancer n'importe quel dé, hein. Un dé supplémentaire. Donc, là, on non pourra. Ok, bon, d'accord. Mais c'est comme le dé de risque, t'es pas obligé de le jouer, tu le joues. Alors, 3. Donc, tu ton dé donnes l'attitude. Je vais m'en occuper. Okay. Tu me donnes les dés quand t'as fini de lancer. 2. Gabriel, tu lances un dé supplémentaire ou t'attends que papa lance ? D'humanité. Tu peux attendre, hein. T'es à 3, non, il est à 2. Mais le. Ok, 3. 6. Ok, bon. Là, t'as probablement le choix. Sinon, c'est-à-dire que tu renonces. C'est celui de traumatisme que je lance. À tout moment, tu peux renoncer, mais. Tu... Je suis mal barré. Ah! Oui. Il te reste encore 2 dés, c'est ça? Mmh. Ouais, voilà, donc. C'est. Tu comptes utiliser le dé d'empreinte ou pas? Oui. C'est. Tu dois le. Désolé. Tu dois le justifier, hein. Oui, c'est ce que j'étais en train de faire. Ouais, il cherche ses mots. Désolé. C'est la souffrance, la prostration de. Combien? 13. Et toi, t'es à 8. Ok, je... 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il faut que tu fasses 5 ou plus. Est-ce que tu le joues? Oui. C'est la prostration qui m'a donné. Et la arme qui. Alors, ce que l'on a analysé, c'est que. Son attitude, c'est qu'il est. Prostré en premier lieu. Et en premier lieu, il a pleuré tout comme toi la disparition prématurée de Corail, la perte de Colia, de Carova et de tous ceux qui manquent à l'appel le soir venu. Mais bref, on n'est pas dans un monde de bisounours, donc je pleure. Il a remâché toute sa hargne et toute sa peine, et sa peine est devenue une hargne. Et c'est cette hargne qu'il te communique. Et donc c'est lui qui le lance. Puisque c'est lui. Vas-y, je oui. Par contre, là, tu dois lancer le dé de dernière phase, donc c'est-à-dire le dé de mort subite. Voilà. Est-ce que, puisqu'on est en partage, on doit le. Lancer en même temps. Hop. J'ai gagné. Tu l'emportes, mais bon. Oui. C'était le dé de mort subite, quoi. Oui. Ouais, bah en fait, Gabriel, t'avais le choix. Le dé d'empreinte. Soit il faisait mort subite, et dans ce cas, t'avais une chance sur deux, concrètement, de que papa gagne. Soit tu prenais une empreinte, mais tu gagnais forcément. Donc déjà, ça faisait une chance sur trois, ensuite une chance sur deux. Mais tu vas partager cette empreinte, parce que tu l'as absorbée, tu l'as accueillie volontairement. Ah oui, donc du coup, tu sors quand même mon empreinte en étant voilà, donc à la cadeau. Ah mais attends, ça veut dire que s'il avait 6 avec mon empreinte, il aurait eu une empreinte encore en plus. C'est ton empreinte, c'est une hargne démesurée contre cette menace indistincte. Tu en veux au monde entier qui a emporté les tiens prématurément, et tu es prêt à tout pour cela. Pour cela. Une est-ce que ça te convient comme définition de la façon dont le. Mais là, la menace l'empreinte est partagée ou on a tous les deux une empreinte? On a tous les deux une empreinte. Vous avez tous les deux. Donc ça veut dire qu'on pourra se transférer les empreintes si. Non, parce qu'elles sont identiques. Elles sont. Elles sont identiques, donc comment tu veux partager quelque chose d'identique? Tiens, voici un verre, mais t'as le même. Non, mais. Bah, je prends les deux, et comme ça, je crois qu'il y a des gens. Non, mais ils sont identiques. Vous ne pouvez, sur un sujet, si vous. Si on a tous les deux un empreinte, par exemple, sur le sujet de la hargne. Un groupe, par exemple, va pas cumuler 5 dés d'un même chef. Ouais, tu peux pas avoir 5 dés d'empreinte parce que les 5 ont la hargne. Voilà. Ah. Ou la hargne est quelque chose d'autre, peu importe. C'est un seul. D'empreinte. Donc à partir du moment il suffit que l'un remplisse les conditions pour que ce soit le cas. Et si tu utilises l'empreinte de quelqu'un d'autre, tu choperas son empreinte. Voilà. Potentiellement. Hein. Potentiellement, voilà. Voilà. Si. Le Valkov avait mené rudement son combat. Un combat qui lui avait. Qui avait réveillé sa hargne, réveillé ses sens, si bien qu'il lui fut aisé de retirer une bonne partie des œufs en périphérie des maisons. Mais cette victoire, il le sait, était une victoire malaisée. Cette victoire était inattendue. On pensait que le sommeil et la ténacité des plantes, des champignons, auraient eu raison de ce fou de Valkov. Mais justement, dans sa folie la frénésie qui l'a saisi, est-ce qu'il est allé au-delà de ce que l'on aurait pu attendre de lui? Est-ce qu'il a, la nuit durant, frénétiquement agité sa pelle, son panier, et recueilli plus d'œufs qu'il ne pouvait en compter? C'est bien cela. Si bien que les allées furent les entre guillemets allées, puisqu'il n'y en avait pas vraiment, et qu'elles ont été suite au jour d'inactivité complètement détruites à moitié par les champignons, ont été dégagées. La périphérie proche la périphérie proche des maisons était ainsi libérée du joug de l'occupant. Est-ce qu'il a poussé la témérité jusqu'à se risquer au-delà et aller jusque dans les champs au clair de lune pour y déterrer les derniers rejetons de cette invasion végétale? Non. D'une part, la fatigue le gagnait, et d'autre part, le trop récent souvenir de l'arboretum ne lui permettait pas d'envisager d'aller dans les champs si près de la Shtoy et de l'arboretum. Fatigué, regagne donc la maisonnée. Il ravive un peu l'âtre qu'il trouve plus froid qu'à l'accoutumée. Puis il a pourtant été très actif. Est-ce que le temps, la fièvre le gagne? En partie, la fièvre le gagne, mais le temps qui restait froid, et dans sa folie, il ne s'était pas vêtu correctement pour partir. Il a froid partout, en dehors du front et de ses extrémités. Et pour lui, ce qu'il lui faut, c'est un peu plus de chaleur. Il se drape ensuite, il retire les quelques saletés qui sont encore sur ses habits pour enfin regagner son lit, où il y dort paisiblement pour quelque temps. Privâtre, hein. J'ai réussi à trouver le sommeil. Lorsque Valkov regagne le logis, il t'éveille à nouveau. Tu étais la proie d'un rêve singulier. Lorsque fugitivement tu ouvres les yeux et aperçois ton ami, c'est avec soulagement que tu gagnes, que tu quittes les méandres d'un rêve confus et obscur. Tu te trouvais dans une mare puante où surnageaient des feuilles et des brindilles. Depuis cette mare éclairée par la lune, tu apercevais des lapins, des garennes, qui couraient tels des écureuils d'arbre en arbre. Puis tu as vu ce qui les avait effrayés, sortant de l'ombre, emportant avec elle des masses d'algues comme drapées, une silhouette, une jeune fille qui pourrait être Corail si ses cheveux n'étaient pas d'un noir de jais et si elle n'avait pas sur la tête celle d'un chien, un chien de Mortagne, les bêtes qu'ils élèvent pour la chasse qu'ils affectionnent tant, les têtes noires qui vivent au creux de la vallée. Elle sort donc de l'eau et se dirige vers toi, une Corail qui n'est plus Corail, les yeux révulsés, les yeux blancs et morts. Elle s'approche de toi et tu suis instinctivement les garennes et te réfugies dans la grotte au pied de la tour. Et là, tu contemples une statue qui semble vibrer avant de s'embraser. Une statue d'argile, et pourtant l'argile brûle. Et la dernière vision fugitive qui te reste, c'est le mur où sont déposés les linceuls des morts de vos aïeux, le temple du savoir, et là où habituellement sont placés des crânes, omblons et détenteurs du savoir de tes aïeux, ce ne sont que des crânes malmenés par la guerre et les combats. Tous les vélums sont éparpillés, le savoir de toute la communauté gît à tes pieds et est bientôt gagné par les flammes. Là, j'essaie de sauver le maximum de parchemins que je peux. Parchemins, feuilles, enfin, tu m'as compris. Tout ce que je peux sauver. C'est à ce moment-là que tu quittes l'obscur du rêve pour regagner le présent. Et voir que ton ami est tout grelottant auprès de l'âtre et qu'il s'est effondré, adossé, et tu en sens son souffle paisible. Il a des petites taches orangées sur les joues. Qui lui court aussi sur le menton et à la commissure des lèvres. À ces endroits, les vénules qui marbrent sa peau semblent avoir éclaté en petites rigoles orangeâtres et au pourtour s'auréole d'un blanc nacré, presque duveteux, qui apparaît sur sa peau. Bah, je sais pas comment soigner. Si ça se trouve, c'est même pas être soigné, donc ne pouvant rien y faire. Bah, je suis réveillé, là j'arrive pas à m'endormir. C'est le bruit qui t'a éveillé. Ce rêve étrange, t'aurais voulu préserver les Vélums des flammes. Bah, vu que je peux rien faire, je vais virer plus d'eux, comme ça au moins ça aidera. Voilà, c'est tout. Donc il te faut te risquer loin jusqu'au champ où tu... Ah non. Déjà, je fouillais chaque bâtiment. Il y en avait dans la grange, donc quel bâtiment on aurait mal fouillé. Donc je fouille chaque bâtiment. Bon, sans réveiller les gens également. Hein. Mm-hmm. Par exemple, je vais pas fouiller les maisons, parce que les maisons, je pense qu'on les a déjà fouillées. Mm-hmm. La grange, je l'ai fouillée dans la journée, ou hier, ça dépend de où on en est dans la nuit. J'ai fouillé la tour, l'apothicarium, enfin tous les bâtiments secondaires. Et ensuite, je vais jusqu'au champ. Bon, tu ne trouves plus d'eux dans les infrastructures que compte la communauté. Manifestement, tout le monde s'est attaché à s'en débarrasser. Et ce, avec efficacité, ou du moins à la lumière de ta lampe, tu n'en devines aucun. Plus loin, en allant vers les champs et en t'approchant de l'arboretum, tu aperçois en contrebas dans la vallée, depuis le monticule sur lequel est l'arboretum, de vagues lueurs qui dansent en contrebas. Je m'approche de ces vagues lueurs pour savoir ce que c'est. Ah, elles sont loin, en bas. C'est l'endroit où se trouve Mortagne. Et de là, tu vois des flammes. Bon, je ne m'approche pas des flammes, j'essaye juste de ramasser plein d'eau. Elles sont à des lieux de là. J'ai bien compris. Elles montent haut dans le ciel. J'essaye juste de ramasser plein d'eau pour aller les ramener jusqu'au... au bûcher et faire des allers-retours, quoi. Lorsque de guerre là, c'est que la harme te quitte pour que la fatigue te gagne, tu rejoins la maisonnée et vas prendre un repos mérité. Vous éveillez avec les autres. L'entrain a quitté la maisonnée. Chacun s'efforce de s'occuper. Certains ont pris soin de tout nettoyer, sitôt levé. D'autres s'attachent à préparer un repas roboratif, et vous sentez enfin une odeur agréable imprégner la maisonnée, lestée d'un bon repas. Vous sortez au dehors, la pluie est toujours présente, la même pluie grasse que la veille. Où vous rendez-vous ? Moi, je revisite tous les bâtiments parce que j'ai peut-être mal vu avec la lampe. Je vérifie qu'il n'y a pas de truc et sinon je vais continuer à en virer les œufs. Et clown, d'ailleurs, je cherche tout type de. Valkoff. Je continue ma quête, ma conquête face au jeu qui essaime dans le... qui essaime encore comme si ma victoire n'avait été qu'un sursis. Passer la journée à chasser le moindre des œufs. Vous avez le sentiment d'avoir éliminé ceci de l'ensemble de l'enclave, si ce n'est que vous êtes attention. Vous vous êtes pas risqué jusqu'à la Voivre. Alors que vous retrouvez spontanément à vous y diriger, vous sentez une odeur de cochon grillé qui remonte de la lisière de la forêt. J'entends par forêt celle que vous n'avez pas su contenir et qui vous sépare des décombres de Mortagne. Tu peux m'inviter ? Arrête. Lorsque vous arrivez sur la Voivre, l'odeur de brûlé se fait plus prégnante. Vous n'apercevez pas aux abords de la rivière la silhouette familière de la nef. N'est-elle même pas éventrée ? Non, elle n'est plus auprès de la cabane de Pobednik. Pobednik. Vous regardez sa cabane, alentour l'herbe, l'herbe y est rase. Parce que sa nacelle y a séjourné longuement. Ça fait plusieurs années. Ça fait un temps certain qu'il œuvre à son grand œuvre. Oui, il l'a peut-être fait décoller. L'aurait-il fait décoller ? Je ne l'ai pas trouvé, moi, quand j'ai cherché après le... La nef était-elle là, la fois où tu es parti le chercher ? Oui. Elle y était. Tu l'as cherché dans sa cabane, cette fois-là ? Il n'y était pas. Bah, on continue à chercher s'il y a des œufs, non ? Moi, en levant le mystère Pobednik, quand il n'y aura aucun risque de contamination possible. Vous approchez à cet endroit, vous voyez que la terre aux abords de la cabane a été retournée. Elle, à des endroits on a creusé et il y a un petit monticule de cendres au pied du hêtre où vous aviez aperçu les premiers œufs que vous avez signalé Pobednik. Mais aucun œuf. Aucune trace de alentour. En revanche, le goulot qui permet à l'infrastructure de redonner le trop-plein d'eau à la rivière a été renversé. Une partie des étais ont été ôtés. Certains ont été cassés, mais d'autres ont été ôtés. On a ôté les chevilles délibérément. Peut-être est-ce des gens qui ont voulu fuir ? et qui ne se sont pas risqués dans le territoire des Schwarzkopf. Alors que vous réalisez ces constatations, vous entendrez des cliquetis métalliques, des bruits de pas qui viennent du sous-bois à quelques mètres de vous. De la direction d'où ça vient. En contrebas, en direction du pays des têtes noires. On voit rien, si. Vous apercevez des silhouettes qui se profilent, qui apparaissent par intermittence le vêtement entreaperçu entre les alliés, des couleurs vives, rien à voir avec la coupe qui est la vôtre. Quant aux têtes noires qui habitent Mortagne, elles sont vêtues d'ordinaire de vêtements faits à partir du gibier qu'ils chassent. Là, ce sont des atours de tissu chamarré, coloré. Et vous entendez maintenant des éclats de voix à mesure qu'ils s'avancent. Restez-vous où vous êtes. Je me cache derrière un arbre, je continue à pelle à la main, prêt à assommer. Je continue à chercher des œufs comme si de rien n'était. Tu es en train de chercher, tout en gardant un œil les frondaisons et les forêts, et tu vois émerger une petite troupe d'hommes. Ils sont peut-être une dizaine. Celui qui va en tête est juché sur un âne. Il est tout maigre. Ses vêtements sont austères, très près du corps, et renforcent l'impression de maigreur qu'il dégage. Il est quasi squelettique, ou du moins peut-on le supposer. Ses vêtements sont étriqués, les manches s'arrêtant bien avant le poignet. Il s'arrête à ta hauteur. Bonjour, que puis-je pour vous ? Il ne te parle pas. Il te regarde, il a... Bonjour, que voulez-vous ? Te contente toujours. Les gens qui sont derrière lui se sont répartis en une espèce d'arc de cercle autour de lui. Est-ce que je suis pile... Je le regarde et j'articule bien. Me comprenez-vous ? Est-ce que je le vois de... Est-ce qu'on le comprend ? Qu'est-ce que tu fais là ? Diable dehors là. Bah, actuellement, j'essaie d'en dire... Je tape avec ma pelle que j'ai quand j'étais derrière l'arbre. Là, je le frappe à ce moment-là. Donc, il y a... J'aime bien être un crétin. Je pense qu'on va être à court de figurines. Donc, la figurine ici, Privâtre, là, face à lui. Donc, celui qui est vêtu tout de noir. Les autres sont vêtus avec des vêtements amples, ils portent des capes. Et moi, je suis où ? Parce que je m'ai... Bah non, du coup, ce serait plutôt comme ça, en fait. Non, d'accord, je suis franchement... Donc, Privâtre. L'homme sur son âne. les autres qui font arc de cercle, toi t'étais caché derrière un arbre. Donc je vais frapper celui-ci là. Voilà, donc c'est un rude gaillard avec... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'entends? Tu te jettes sur la silhouette entreaperçue depuis les futaies où tu t'étais dissimulé. C'est un rude gaillard vêtu de vêtements bouffants et chamarrés qui s'appesantit sur la garde d'une épée à la main ou bâtard d'une grosse épée tu lui assènes un vigoureux coup de pelle sur la tête. C'est moi ou c'est le début des grandes migrations? Avec quelle volonté de... Ma hargne, on ne passe pas sur ce territoire en nous traitant de hors-là. Donc tu veux lui faire le plus de mal Alors, c'est loin d'être ma vocation, je suis un petit petit. Tu cherches à te dépasser néanmoins, tu peux utiliser ton empreinte et ta hargne. Le traumatisme est vire, j'imagine, et le dé d'humanité, est-ce qu'il peut être joué? Alors, c'est dans le... Voilà, ce que tu peux avoir. Hop. Non. Tu les prends séquentiellement, Gabriel. Et moi, je te pose... Hop. Quel dé aussi? 5 dé, je suis mal barré. 5. Ok. Il y a le crayon. Mais c'est pas grave. Quoi? Bah quoi? Il fallait éviter de le lancer sur le crayon. Mais c'est pas grave. Ça l'arrange. C'est pas... Cinq. Okay. Donc là, je suis à 12. Donc j'ai une avance sur toi qui a... 5. Bah là... Non, t'as pas besoin de... Regarde. 2, 5, 9. 12. Donc, 12. Voici, si je fais 6. J'ai gagné. 13. Non, tu dois lancer. Tu dois faire... Au-dessus de 1. Ou 1. 1, il y aura mort subite. Bon, Une empreinte. Ou blessure. Blessure, c'est pas très logique en tout cas. Ah si, pour le coup. C'est pas logique, je suis en combat, je prends pas de blessure, c'est pas normal, voyons. Donc tu te jettes avec vigueur sur le grand gaillard qui était appuyé nonchalamment sur sa grande épée. Non seulement il évite ton vigoureux coup de pelle, mais te saisit au col et te projette au sol dans le cercle des autres qui se rapprochent aussitôt et te rue de... J'ai mis une blessure. Et te roue de coups. Comme ça. Voilà. Te roue de coups. Ah, en velin. Et tu reçois un méchant coup sur l'oreille qui vibrillonne à l'intérieur de ta tête. Tu vois 36 chandelles. L'un d'eux, rude gaillard, bien plus haut et mieux bâti que toi, te soulève à bras le corps flageolant que tu es. Amenez-moi ça. Je pense qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres de ton engeance ici. En fait, à part cette andouille qui a voulu vous tendre un piège, nous cherchons juste à endiguer une épidémie et nous vivons ici. Une épidémie? De champignons! Là, tu vois une lueur. Vous seriez frappé par le démiurge? Je ne sais pas ce qu'est votre démiurge, mais par ses œufs bizarres. Et je montre ce qu'il y a dans mon panier. nous les déterrions et quand on vous... Celui qui est le plus proche de lui s'approche. Il est revêtu d'un vêtement qui lui n'est pas chamarré, d'une combinaison qui épouse étroitement les formes de son corps. Il a un masque qui pend autour de son cou, un masque avec un respirateur, et il a une espèce de longue lance. Il s'approche. Vous voulez voir le plus près ? Et je tends le panier. Il s'approche. Il n'y a que le feu qui puisse. Amenez-moi ça ! Et calmez-vous en fait. On ne fait que les. On les déterre et de on les brûle. Mais laissez-moi parler ! Je disais, on les ramassait pour les brûler là-bas. Résiste. Je résiste pour causer. Je cause et j'essaie de avec les gestes. En train de causer, et il y a une main qui saisit ton panier, qui te l'arrache des mains. Non mais je leur tends le panier si ça les amuse. Mais si vous voulez, on s'empare du panier, le jette par terre et. Les bandes d'idiots ! Gâche une grande flamme. Vous êtes au courant de son calcinateur et vous l'ensemble êtes... brûle avec. Vous êtes au courant qu'il y a une forêt à côté et que ça peut prendre feu. Et qu'il y a des spores, bon sang des spores. Celui qui avait le masque autour de la tête redonne un coup sur le coin du crâne. Si vous permettez, on avait un bûcher où on brûlait. Avance, te dit-on. Mais j'expliquais, arrêtez de me. Vous êtes des idiots finis! De faire violence, je suis chez moi, laissez-moi tranquille! Il y en a un qui te saisit par l'oreille. Vous faites mal là chez moi! Il maintient sa prise de son gant. Mais vous faites moi mal, vous allez me lâcher! Tu veux t'arracher à sa prise? Non, je continue à râler. Et il continue à te mener et vous. Et, bah, au bout d'un moment, j'en ai marre, j'essaie de me libérer. Bah, moi, je les traite d'idiots en disant qu'ils sont. Ils ont une grande baffe. Vous êtes des idiots et les sports. Tu te retrouves au sol et sous le nez, t'as trois lames. Tu ferais bien de la fermer. Écartées qui viennent juste sous ton regard. Avance, t'as dit. Mais vous savez que ça va se propager et qu'on va devoir redéterrer ces trucs. Avance. Rien ne se propagera. C'est bon. Mais il y a vous une personne qui est juste derrière qui commence à pomper sur le réservoir qui est juché sur son épaule. Mais simplement, il y a des spores qui vont. Et il pulvérise. Un produit, un liquide sur le sol à mesure qu'il avance. Un autre fait de même. Vous mettez quoi exactement? Et là, vous voyez une espèce de dépôt blanchâtre recouvrir le sol. Vous mettez quoi par terre? Mais pourquoi vous mettez... la sepsie qui... gagne nos terres. Mais pourquoi vous mettez de la bile? Mais pas de la bile. C'est quoi la sepsie? C'est ce qui compose les champignons? Ou les œufs, ou appelez-les comme vous voulez? C'est cela. Avance! Vous pouvez me lâcher l'oreille par contre. Pardon? Vous pouvez me lâcher l'oreille par contre. Avance! Je suis, mais lâchez-moi l'oreille. Il lâche ton oreille. Ah bah je le suis. Bah il te. Oui, il me dit de me presser, de presser. Je suis content qu'il ait lâché mon oreille. Voilà, mais vous vous trouvez, toi, encadré par deux rudes gaillards. Et moi, je me dépêche, je m'en étais de me faire rattraper bon, l'oreille. Et celui qui est derrière toi, lui, a assuré dans sa main son calcinateur. Ah non, j'ai pas envie de me faire craver. Et de temps en temps, il s'arrête. Et t'entends un cliquetis, la flamme se réarme et il lâche une. Et tu vois les herbes prendre. Grésiller sous la pluie. Vous savez que cette partie, on a déjà tout déterré là. Il en reste. L'espoir. Il en reste. Pourquoi mais vous venez après notre passage, il n'en restera plus. Mais pourquoi est-ce que vous venez Rassemblez-moi tous ces idiots, dit l'homme sur l'âne. En fait, nous ne sommes pas des idiots, nous n'avons juste jamais eu affaire à ce phénomène. Nous ne sommes pas des idiots, c'est vous les idiots. J'ai le droit de me relever. Tu peux te relever, mais déjà, t'as la tête qui tourne. Vous voyez la taille de votre crâne, et ben il est plus petit que le nôtre. On est plus intelligent, c'est ça que ça veut dire. Oui, j'ai remarqué la taille de vos crânes. Et c'est bien, en vérité, je vous le dis, le temps des hommes finira. Bon. Vous avez progressé et petite vous question, je me suis pas pris de baffe en disant que j'avais un crâne plus gros qu'eux et que j'étais bon, plus. Non, mais tu t'es fait tracter un peu plus, vous êtes arrivé. Moi j'ai quand même le droit d'en placer une. À l'entrée de l'arboretum, et là devant vous il y a les villageois qui. L'ensemble de la communauté qui est arrivé avec. Pour certains, leurs arcs, ils sont en arc de cercle en vis-à-vis des. Ce sont des idiots. Bon, à part maltraiter mon camarade, est-ce que vous pourriez leur expliquer ce que vous nous avez expliqué? Écoutez la parole du. Et là, c'est celui qui te malmenait par l'oreille. Écoutez la parole de vérité que va vous donner notre guide. Mais quel guide ? Et il désigne de son gant. Alors il me désigne ? Non, et il désigne de son gant l'homme juché toujours sur son âne, qui a peu parlé jusqu'alors, qui est resté impassible. En gros, il faut tout cramer avec des lance-flammes. Et puis, tu vas t'en reprendre une si tu continues. Et cracher de la bile dessus. Si tu ne te tais pas, je vais te faire avaler tes dents. Et tu sens qu'il est prêt à mettre geste à la parole. Non mais je sais que je joue le casse-pied jusqu'au bout. Non, là tu joues suicidaire surtout. Oui, alors. Et bref. Là, l'homme frêle vous regarde. On vous a plus ou moins projeté vers les autres membres de la communauté. En vérité, je vous le dis, le temps des hommes finira. Il finira de par leur faute qu'engorgés de suffisance, ils auront trop joué à prendre la place de Dieu. Il finira à leur insu qu'engorgés de vanité, ils auront laissé croître les forces obscures. Il finira pour laisser place à un temps nouveau où les hommes connaîtront l'enfer sur terre et où les créatures de Dieu seront devenues leurs tortionnaires. Vous voyez que il a dû. Il est pris par ses paroles et il est tout vibrant, vibrillonnant. Babylone s'effondrera sur le poids de sa démesure, incapable de subvenir à elle-même. Les hommes chuteront comme des oiseaux morts du haut de leurs ziggourats. Leurs corps seront rendus à la terre, et sur terre poussera l'immondice, et sur l'immondice poussera les mille et une plantules et la vermine, et sur ce lit de vie grouillante poussera la forêt, et pour les hommes ne restera plus de place que dans les ténèbres sous les arbres. Et l'homme qui survivra à la chute de son esprit chutera alors à l'intérieur de lui-même. La mémoire, comme une Babylone spirituelle, s'effondrera sous le poids de la démesure. Il oubliera tout ce qui lui était cher. L'odeur de l'amandier, le rire de son enfant, mais il oubliera aussi ses péchés. Car après la chute, la colère de Dieu n'aura de cesse que de tourmenter les survivants pour qu'ils vivent dans la crainte de son nom. Cette colère sera l'amoncellement comme une tour primordiale de tout ce que les hommes ont oublié de vertueux et de vicieux. Et ce limon spirituel grossira des craintes divines et vénielles des hommes et de toutes leurs pensées, qu'elles soient des prêtres ou des péchés, de tentations ou d'intentions. Chaque homme, chaque femme souffrira de son propre enfer créé par Dieu à son image pour le mettre à l'épreuve, le punir du péché d'orgueil et des générations précédentes. Et là, les deux hommes étaient en retrait et ceux qui tiraient un cheval de bas, posément, ils étaient alors que l'homme juché sur son âne haranguait la communauté. Ils ont ôté l'un des artefacts qui reposait sur leur monture, déplié un trépied. Puis l'un d'eux a placé ce que tu as vu dans ton rêve. Une mitrailleuse. L'autre se place rabat le champ d'armes. Et alors que celui qui vous harangue poursuit, les premières balles fusent en direction de... des membres, certains s'éloignent, des flèches. Papa ? Oui. C'est quoi ? C'est la version Requiem pour un massacre, mais en mille veaux ? Que non, faites-vous ? Non, c'est la version. Vous êtes perdu à ce psy, vous allez mourir. Vous entendez. Fuyez, pauvre fou ! Ok, Gandalf est parmi nous. Nous, passe ! En fait, il y a vraiment des Totenkopf. Il y a vraiment des Totenkopf ici, ce sont des Totenkopf. Mais non, Gabriel, c'est You Shall Not Pass devant des balles de mitrailleuse, sauf que les balles de mitrailleuse ont tué Gandalf. Bah écoute, on peut fuir, mais en fait ça changera rien, parce que si on fuit, on est mort, pour la simple et bonne raison qu'on ne pourra pas vivre ici, parce que le... Ce que vous vous apercevez, alors que les premières balles fusent, dans votre direction, et que les calcinateurs entrent en action, trois calcinateurs qui lâchent des flammes vers vous, qui commencent à embraser les silhouettes au-delà de vous. Et vous entendez hurler de douleur, d'effroi ceux qui comptaient parmi vos proches, et à ce même moment, vous apercevez face à vous une nef qui s'élève dans le ciel. Comme Ethnic avait raison depuis le début. J'essaie de rejoindre la nef. Elle est suffisamment proche du sol pour qu'on monte dedans, non ? Elle est à la lisière, là où se tenait... J'essaie de courir pour atteindre la zone là-bas, en essayant d'éviter de me faire faucher, tuer, etc. au passage. Ça demande un test, je suppose. Mais c'est juste pas humainement possible, en fait. Oui. Face à une mitrailleuse et des lance-flammes, je suis désolé, tu crèves. Il y a des lance-flammes, des mitrailleuses. Non, c'est humainement possible, mais c'est surtout statistiquement impossible. Donc non, vous, humainement vous possible, cherche... c'est faux. Alors, tu cherches, toi, à rejoindre la nef. Et moi, je cherche à frapper avec ma pelle. D'accord, le guerrier de la pelle et le fuyard de la rue vers eux. Vers la mitrailleuse. Vers la mitrailleuse pour... Pour simplement frapper celui qui a la mitrailleuse, comme ça ils ont... Enfin, je sais qu'il y en a un qui tient la mitrailleuse pour éviter que l'autre, mais il parte... Peu importe. Tu tapes l'un des deux. Soit celui qui tire, il part, et dans ce cas-là, il peut plus tirer. Soit tu... tape celui qui tire, et dans ce cas-là, la mitrailleuse tire plus. Donc, peu importe qui tu tapes, d'un point de vue logique, tu tapes l'un des deux, ça marche plus. Oui, je sais, mais je tape celui avec... Ton souhait, c'est de t'occuper des mitrailleurs. Donc là, tu mets tout c'est ce que moins tu as. C'est moins possible ce qu'il fait que ce que je fais, en fait. Parce que lui, il fonce vers la mitrailleuse, en statistiquement oui, parlant. Oui, oui, je sais, mais c'est sacrifice. Pire. Kamikaze. Donc, là, tu as ces... Moi, j'en ai un des, je suppose. Où il est, le... il en manque un, là. Il y a le petit dé. Non, il en manque un. Tu en avais 5. Ah oui, pardon. Hop. Donc... Non, égalité. Ok. Tu joues le suivant. Je joue le suivant. Non, soit je l'aurais. 5. 6. Première empreinte. Une blessure. Tu te redresses et tu es fauché par une balle qui te cloue au sol. L'une des balles de mitrailleuse qui vient éclater ta rotule. Donc là, on continue plus, c'est bon. Tu peux continuer, mais tu juste... Tu peux continuer. Tu t'apprends en rampant. mais tu peux changer ton souhait. Qu'est-ce que tu souhaites là? Tu aperçois la nef qui se... La montgolfière qui s'éloigne... Ah non, moi c'est vraiment sauver le vers plus. Les hauteurs. D'accord, c'est il veut juste se sacrifier lui en fait. Oui, c'est pour sauver le plus d'enfants possible, c'est tout. Il veut faire gagner le plus de temps et possible. Et ce que tu aperçois, c'est qu'il y a des silhouettes dans la nef. Moi je m'en fiche, je monte quand même dans la nef. Hein. Bah, toi tu veux rejoindre la nef. Je dis, la nef c'est donc, pas. Non, mais, donc, non, mais ferme. Tu peux choisir de renoncer. Ce que tu veux, c'est servir de cible. Bah, se servir de cible pour que les plus faibles, genre les enfants et les enfants. Ils ont tous été tués. Bah, ceux qui sont... Ils ont disparu, les enfants. Ah oui, c'est vrai, mais... Bah, à ton avis, ils sont où? Il y a des silhouettes dans la nef. T'as pas compris? Pour être nique, oui. À sauver les enfants. Ouais, bah, moi, ce que je veux, c'est essayer de sauver le reste. Il y a, oui, y a bon, encore des gens qui sont... On a compris, vas-y, abrège. Et leur sont des... Un. Dommage, t'avais fait 5 tout à l'heure. Ok, papa, un d'avance. Là, c'est ma poisse. Un d'avance. T'as tout lancé, là? Non, il m'en reste 2. Ok, bon, bah, t'as qu'à faire un énorme résultat. Bon, bah, t'as perdu. Hop. Ah, non, il y a... 10, 16, 20. 19, 20. 6 et 5, 11. 15. 16, 17. À 3 près. Et donc, ta rotule éclate sous la première balle, tu te retrouves plaqué au sol sous le choc. Et tu restes gisant dans la boue alors que tu entends le staccato de la mitrailleuse retentir alentour. Dans un dernier effort, tu cherches à t'extirper, les balles fusent autour de toi, tu entends les cris, les hurlements de tous et toutes autour de toi, la harangue, la hargne de ces intrus. On va passer à j'ai même dit, en Trivatre, fait. Ouais. Faudra juste les lancer. Autant de difficultés, je suppose. Donc moi, je suis mort. Non, mais t'es agonisant. Ah, ok, d'accord, commence bien. Donc moi, j'ai fait 2. 5. 4. Ok, vous êtes égalité. 5. 5. Égalité. 5. 1. Bon, j'ai perdu. 4 d'avance. 2. Ok, j'ai perdu. Je me ferai faucher. Et tu n'es pas heurté par de plein fouet par l'une des salves de calcinateurs. Tu t'éloignes, tu contournes l'homme juché sur son âne qui continue à pérorer, à hurler. Et vous trouverez la paix dans la voie de Dieu. Et tu aperçois maintenant très nettement trois visages familiers. Les trois gamines. À l'orée de la nacelle et juste les yeux des passants. Il ne fait pas attention à toi, il regarde vers toi, mais toi, tu vois que la nacelle va bientôt être cachée par un nuage et va échapper. Ok, donc j'ai réussi à ne pas me faire toucher, mais elle est partie trop vite. Voilà, elle va gagner les hauteurs, tu ne pourras jamais l'atteindre. En revanche, tu te souviens de la phrase qu'égrenait régulièrement le pilote de la nacelle. Disait quoi ? Il est des chemins connus des hommes, il est des chemins si aériens. Partez dans le vent, suivez votre rêve, partez à l'instant, la jeunesse est brève. Arthur Rimbaud, c'est pas ça ? Non. Maurice Carême. Dans ce cas-là, je suppose qu'il y a une torche allumée. Je peux largement trouver une torche allumée. Bah, il y a des torches vivantes partout. Ouais, mais je veux dire, ce que je peux faire, c'est. Qui grésille sous la pluie battante. Il y a bien c'est dans, la tour, d'apocalypse. Dans la tour. Je peux pas l'atteindre la tour. Non, t'as été, ouais, t'as pas été touché par. Est-ce que par les flammes, t'as été fauché par les balles et tu gis. Ah d'accord, en fait, je suis en train de ramper. Voilà, t'es. Est-ce que dans ce cas-là, je peux ramper jusque dans la tour si j'y arrive ? Bah non, c'est dans le sens inverse. Ouais, là ouais, c'est volontaire. Ramper jusque dans la tour, oui. Pour mettre le feu à tous les écrits. Quitte à ce qu'on meure, autant qu'ils trouvent pas ce qu'on avait. Je pense pas qu'ils aient vachement besoin de notre. Je m'en fiche. Ils n'auront pas ce qu'on savait. Point. Tu entends toujours ces hurlements. Quant à toi, tu défailles. Mais tu vois la nacelle passer au-dessus de vous. Haut dans le ciel, c'est une ombre fugitive. Mais tu sais que certains ont échappé à ce désastre. Tu vois juste cela avant d'expirer. Joie. Moi, je suppose que je dois refaire un test pour atteindre. J'ai tout. 4. 6 4 4 4. Tu peux le rejouer si tu veux. J'aurais pas beaucoup plus hein. T'as un potentiel d'un dé de 5. Ok, pour l'instant la vue du nez c'est plutôt toi. Alors 3 4. J'ai 14. 14, 17. Non, attends, non, j'ai pas 14, je l'ai confondu avec un 1. Donc non, j'ai 18. 18, donc 6 et 4, 10, 13, 15, 16. Donc j'ai atteint la tour. Le premier test, c'était pour atteindre la tour. Non, ton souhait, c'est d'atteindre la tour. Et donc... Tu parviens à ramper dans la confusion, tu te redresses, tu as reçu une balle dans le ventre. Est-ce que j'ai le droit de souffrir pendant que je suis en train de tout brûler? Est-ce que j'ai le droit de hurler trois mots? Oui, bien sûr. Allez au diable. Voilà, j'en ai rien d'affiche. Allez au diable. Et tu vois les soudards mettre le feu aux maisons scrupuleusement. J'essaie de brûler les écrits et de les balancer. Et sur le seuil, tu vois Casimir, l'archiviste, qui... Je suis pas encore en train de les brûler, là, quand il arrive. Tu es face... face au parvis à l'entrée de la tour, et là tu y vois Casimir qui se tient fièrement à l'entrée de la tour, qui fait face à trois soudards, et il a dans les mains non pas un arc, des flèches, il a un calcinateur, mais dans les mains il a une arme profilée au canon étroit, et tu entends les balles fuser et tu vois les soudards tressauter sous les balles et tomber devant toi, et Casimir arrive jusqu'à ta hauteur, il te prend sous ton épaule, il te soulève, te permet de t'adosser à lui. Continue à marcher et tire instinctivement sur les cibles qui lui font face. L'un des soudards muni d'un calciminateur explose dans une gerbe de flammes. Tu le regardes interdit et tu vois qu'il a son visage cuivré qui est constellé des marques que tu avais vues sur ton ami Valkov. Son regard vacille et il s'effondre. Je sais écrire. Il est... Oui, mais ce que je veux dire, je sais écrire. Oui, tu sais écrire. Donc je vais dans la tour et j'écris ce qui s'est passé sur la feuille. Sur une feuille. Je sais pas ce qu'il y a de quoi écrire. Non, mais tous les soudards ne sont pas... Oui, je sais, mais je peux quand même rentrer dans la tour. Oui, tu peux rentrer. Donc je rentre dans la tour. Je dois faire un test pour rentrer. Non, tu rentres dans la tour. Je rentre dans la tour et j'écris ce qui s'est passé sur une feuille en essayant de la dater. Je suppose qu'on a un calendrier ou quelque chose comme ça. En la datant de notre calendrier. Et tu vas jusqu'à l'endroit où tu rentres au sein de la tour. Tu vas jusqu'à l'endroit où d'ordinaire les morts étaient habillés d'un linceul, et où dans ton rêve tu avais vu des crânes figés à la place des moellons, là où où on avait placé le crâne des ancêtres dans une alcôve, l'alcôve est béante. Ah d'accord, okay. C'est là où étaient planquées les armes. Il y a d'autres armes ? Et la porte est ouverte. La pièce est éclairée. Lorsque tu rentres, la porte se referme sur toi. Tu n'entends plus au dehors les cris. Oh non. Ah, c'est la pire chose qui pouvait arriver. Tu peux effectivement écrire, tu as tous les vélins de l'archiviste de Casimir. Et j'ai tout mon temps. Et tu as tout ton temps pour rester là. Sauf et que je vais mourir, c'est mon tombeau. C'est donc dans ton tombeau que tu écris le legs, comment la communauté est morte. Et je signe, mais je conclue par qu'ils aillent tous au diable. Voilà. Est-ce que ça vous convient comme... qu'ils aillent tous au diable. Ah, c'est tout ce que j'ai à dire. Les deux... Moi, j'ai trouvé les deux fins très bien. Attends, on va faire pouf. Et c'est donc ainsi que s'achève le quatrième acte. On peut faire juste une conclusion rapide. Alors, vas-y. Bah, en fait, la conclusion rapide... Ah, d'accord, ça, c'est bon. Donc, ce que je voulais dire, bah, finalement... Tout est bien qui finit plus ou moins bien. Les gamines ne verront pas la communauté mourir, elles sont déjà parties. Pobednik a réussi à finir sa nef. Oui, pardon. Il a appris en plus. Valkov a pu sauver des vies dû à son acte. Je n'ai pas la moindre idée de combien, mais il a pu en sauver. Et moi, je suis dans mon propre tombeau. Et donc c'est tout ce qu'on trouvera de toi, parce que ton crâne aura été mangé par ce qui émergeait des œufs. Oh, quel horrible. Bah, en fait, en espérant qu'il bouffe pas le papier. Arcueil. Attends, je veux aussi conclure. Donc moi, la fin va vachement me fait penser au film que tu m'avais fait regarder. Je crois que c'était même pour mon anniversaire que tu m'avais montré ça. Donc j'ai des idées. Ça va être diffusé. Je vais peut-être avoir des problèmes. Requiem pour un massacre. Je vais m'occuper du choix. Donc ça m'a fait penser au moment où ils disent. Ramenez-vous tous dans la grange avec vos femmes et vos enfants. Et ensuite, quand ils ferment la grange, et là, il y a des calcinateurs de partout. Il y a des calcinateurs de partout et une grosse mitrailleuse par la seule sortie qui est encore disponible. Et ils disent seuls ceux qui n'ont pas d'enfants et pas de femmes peuvent sortir. Et ensuite, ils se mettent à tout cramer. Oui, aider ce matin. Bon, bref, c'était sympa. Et il y en a qu'un qui en sort, c'est le héros. Enfin. Maintenant, je vous propose de faire un débrief sur ce que nous avons éprouvé de l'empreinte de Thomas Minier. Alors, je commence égoïstement. Pas de problème. En vous disant que. C'est ta vision d'empreinte. Voilà. Tu l'auras compris. Par rapport aux mécaniques du jeu, j'ai pêché parce que ce qui est proposé, c'est qu'il y ait dans chaque acte un combat, une confrontation, une phase d'introspection, une phase de tentation et une phase. La tentation, c'est que ce qui constitue la menace puisse approcher, tenter, séduire d'une façon ou d'une autre. Je vois que dans l'acte 1 où t'as pêché, autrement on a eu tous une confrontation, la tentation. Il n'y a que sur l'acte 1 qu'il y a. Je trouve que ça donne quand même un rythme intéressant, malgré le fait que tu n'aies pas suivi rigoureusement ce que voulait faire Thomas. Le système de jeu, moi je le trouve sympa. Moi, il y a juste un bémol, entre guillemets, c'est par rapport à l'attitude. L'attitude qu'on puisse en changer entre deux actes, oui. Mais déjà, c'est précisé qu'on a le droit d'en changer une entre les deux actes, ou on a le droit d'en changer autant qu'on veut. On a le droit d'en changer une. Ça, je suis d'accord. Uniquement entre le premier et le deuxième acte, à l'issue du premier acte. Je vous ai laissé... Ah, bah justement, moi là, je l'ai changé, mais j'ai changé uniquement dû à une empreinte, sinon j'aurais pas changé. Et le fait en fait, que pour tu moi, interprété une empreinte, comme ça, ouais. Une empreinte a le droit de changer les attitudes. C'est uniquement pour ça que je me suis permis de changer d'attitude. Mais la première, c'est juste oublié de faire le changement, c'est tout. Moi, je trouvais que c'était une très bonne interprétation de la règle. Peut-être qu'ils considèrent que c'est pas du tout comme ça que c'est prévu pour être joué, mais moi, je pense que ça peut être intéressant. Et au voilà. Niveau de moi, la. Je trouve que dynamiquement, dans l'histoire, c'était tout à fait logique et légitime. C'est. Ça t'avait altéré profondément. Bah au départ je m'approchais voilà ouais et à la fin ouais bon bah on va virer toute cette chose, j'ai pas envie qu'on me raconte ça. Oh tiens quelqu'un qui me tire l'oreille qui va tout brûler, ouais. Alors la menace, quelle était-elle à votre sens? Les deux, il y avait deux menaces. Il y en avait qu'une seule. Ah non, ils sont venus à cause des œufs. Essayez de dérouler les chevaux. Ah, c'est eux qui ont foutu la sepsie. Alors, si on reprend chronologiquement, qu'est-ce qui est advenu? D'abord... Les Garennes. Les Garennes sont arrivés en masse. Pourquoi ils sont arrivés en masse? Parce qu'ils avaient brûlé avant. La menace, ça n'a jamais été les œufs. Enfin, si, ça a été une menace, mais... Les Garennes sont arrivés dans la communauté qui était tranquille jusqu'à présent... Et qui avait comme seule menace les gens de Mortagne. D'accord ? Comme on a tué les Garennes, ça a provoqué l'éclosion de certains œufs. Comme on a tué les Garennes, ça a provoqué une deuxième menace qui n'était pas celle de base. Celle de base, c'était uniquement le groupe d'occultistes qui venaient nous tuer, non ? La menace, c'était bien les œufs en eux-mêmes. C'est. Anturus Archieri. C'est. Anturus Archieri, c'est ceci. Mais attends, ça c'est mon crâne? Oui, ton crâne après. Alors, depuis quand j'ai des sortes de trucs comme ça? C'est la déformation crânienne. Ah, due au fait que je me sois fouillé et boulotté. Non, la déformation crânienne qui est... Les plaques que vous portez depuis votre Non. Je suis bien content de ne pas avoir vu mon crâne avant. Oh. Donc. En revanche, c'est normal que les dents elles soient comme ça, si. Ouais, ça, c'est des dents tout à fait normales. Oui, c'est normal. Les trous, c'est les atteintes d'Anterus archieri. Donc, Anterus archieri, en soi, c'est un... C'est un fungus, donc c'est, ça fait partie du groupe des champignons. C'est un champignon particulier. En soi, il n'est pas... il n'est pas comestible, et loin s'en faut. C'est lui qui mange. Donc il se nourrit de petits insectes. Ah, mais ça, c'est la version mutante qui mange la nonce. Mais là, il a été colonisé par un Klosneu virus. C'est dans le vivant, c'est un ordre supérieur. Oui, je sais. Je suis bon de pas avoir fait SVT, je connais un peu de biologie. Le Klosneu virus, on en a trouvé les premières traces auprès de centrales nucléaires. Oui. C'est ce qui s'est produit. Le Klosneu virus a atteint l'Anterus archieri et il y a eu un franchissement des barrières de genre. Et après, avec les trois menaces, en fait, c'est peut-être que mon avis est un peu perché. Je finis sur ce qu'était la menace. Alors, je ne sais pas si c'est bon ton de le... Mais moi, je veux vous l'expliquer. Il y a eu un franchissement du règne, une mutation, en fait. Oui, un ensemble. Et les garennes véhiculaient le pollen dans le turus avec eux. Ouais, quand ils sont morts, compte tenu des pluies acides, ça a favorisé... Je l'avais dit, il fallait pas tuer les lapins. Ça a favorisé le... Donc, en fait, si on avait laissé les lapins en vie... Ah ben non, la pluie acide les aurait tués. Mais c'était inéluctable. Il y a la menace, elle se serait répandue. Mais en tuant des lapins, on avait accéléré. On a accéléré le processus. Le processus. Savoir. Donc, en fait, c'est Paume Ethnic le plus intelligent de la communauté. C'est le seul qui a compris. C'est dangereux. Faut peut-être que je m'enfuis avec. Voilà. Alors Paume Ethnic, qu'est-ce que c'est? C'est un nom d'origine slave. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Si on le traduit, c'est en serbe, ça signifie Victor. C'est le nom serbe pour Victor. Et alors il est victorieux. Ah bah oui, forcément. Donc, Victrix. Donc, ce qui est assez ironique, c'est celui qu'on considère comme taré, voilà. Qui a survécu. Et dès le début, je vous ai dit qu'il avait une phrase récurrente qui lui revenait sans arrêt, que c'était le seul truc intelligible qu'il disait. C'était son poème de Maurice Carême, et je vous en ai donné des passages. Mais on n'y a pas fait d'intervention. Et donc, c'est le poème Liberté de Maurice Carême. Celui qui a été publié, je ne sais pas, pour la Seconde Guerre mondiale, contre les Allemands, qui l'a fait ça. Si. Donc, il y a une mise en abîme avec... Oui, parce qu'en fait, moi, je vois surtout en comparatif avec les régions... Alors, après, d'où vient Anterus archieri? Vas-y. D'Océanie. Il a été amené où ça? Maintenant, on le retrouve partout. Et on l'a trouvé dans une centrale en Allemagne. Justement, le Klosneu virus. Il t'a ramené à un conservatoire. C'est ça? Non, l'Anterus archieri, il a été ramené par des chevaux. Les chevaux, pendant la Première Guerre mondiale, qui étaient en casernement à Mortagne. Dans les Vosges. Moi je vois. Bah écoute, dès que je verrai des champignons, j'aurais envie de vomir. Donc, j'étais complètement à côté de la plaque. Non, t'étais pile poil dessus, dans les Vosges, et c'était un contingent néo-zélandais. Néo-zélandais qui était cantonné. Non, moi je me suis cru à Verdun. C'est pas là. Entre Saint-Dié et la ville la plus proche de Saint-Dié, c'est Ormont. Et le nom historique de Saint-Dié, c'est Ormont. Et le fait que tu aies choisi les Vosges, ça n'a aucun rapport, on est d'accord. Ce n'est qu'un pur hasard. Là, c'était histoire de boucler la boucle. Ouais, ce n'est qu'un pur hasard. L'Anterus archieri est arrivé en Europe via le contingent néo-zélandais, cantonné à Saint-Dié des Vosges. Vous jouiez à Saint-Dié des Vosges. Il se trouve que par ailleurs, il y a un autre foyer qui a été où Anterus archieri s'est répandu. C'est autour de Toulouse. J'ai précisé que votre communauté avait une coutume particulière autour du crâne et ouais. la perception du savoir. Donc la première photo que je vous avais montrée, c'est la photo d'un... Du crâne emmailloté. Non, de... Ah oui, pardon. Et donc ça, c'est une pratique qui se faisait encore au début du siècle à Toulouse. Élongation des crânes, et on suppose que ça nous vient des Volques et des Burgons. Donc là encore, on boucle une autre boucle. Donc, il y avait. Voilà, cuillère. Ouais, écoute, avait... Je lui ai demandé une botte à pilote de mon cerveau. Il y avait plein de cercles qui vous menaient à chaque fois à la même. Alors après, pourquoi vous avez des noms slaves? Moi, parce que tout se passe dans les Balkans, sinon c'est pas drôle. Alors déjà j'ai une petite analyse, c'est par rapport au... Ça ressemble un peu à ce qui s'est passé dans les états satellites, c'est-à-dire que d'abord il y a eu la famine qui peut être représentée par les œufs, ça peut être une métaphore, et ensuite il y a eu les SS Totenkopf et les Einsatzgruppen qui sont venus et qui ont commencé à tuer toutes les communauté jugée impure ou en trop mauvaise santé. Et à côté, avant, il y a eu la vague révolutionnaire qui a colporté en quelque sorte le manque de nourriture. Voilà, c'est peut-être foireux, c'est peut-être n'importe quoi, bref. Moi, c'est juste l'analyse que j'en ai faite. D'accord. Par rapport à la guerre mondiale. Quoi ? Alors donc, je vous ai dit, oui, j'avais une menace. La menace, c'était Anturus Arkeri, qui condamnait l'ensemble de la communauté. Il y avait possibilité pour une fraction de la communauté, si on ne contraignait pas, si on n'empêchait pas le brave Pobednik de mettre son projet exécution. Vous l'avez jamais empêché. Vous l'avez pas empêché, mais par exemple, poursuivre avec acharnement, essayer de le retrouver, ça aurait empêché, parce que c'est pas Pobednik qui les a libérés, c'est Krasimir. C'est Krasimir qui a conduit les jeunes filles auprès de Pobednik, qui était en train d'affréter sa nef. Et c'est les deux vieux accompagnés des trois jeunes filles qui sont échappées. Après, si vous aviez l'idée, c'est que vous étiez tous condamnés hein, par le virus. Mais certains sont plus résistants parce qu'ils ont plus d'anticorps, hein, les deux vieux, les deux extrêmes vieux, et les très jeunes, parce que vous l'avez vu, les photos que j'ai mises, c'est des photos de très très très, très jeunes. Et donc ils ont encore des anticorps, et on n'a pas évoqué les familles. Et ce que j'avais préparé ou prévu dans ma préparation, c'était que l'idée était que les familles venaient de la cache dont est sorti finalement notre ami Casimir, l'archiviste. Et que les enfants étaient des enfants qui se réveillaient de stases anciennes et qui avaient été préservés. Et donc, eux, ils avaient encore ce que vous avez vu dans les seringues en d'autres circonstances. Et donc, eux résistaient à la souche. De même que les anciens, parce que c'était... des protecteurs au même titre que Casimir, le Bellisquiou. Donc voilà sur la fiction. Voilà ce que moi j'avais à dire. Est-ce que l'histoire vous a plu? Est-ce que la façon dont elle a été menée vous a convenu? Moi, oui. Il y a eu des... Pourquoi il cause pas quand ça m'arrange? J'allais dire, j'ai qu'une seule chose à dire et faire en sorte que le chat miaule à ce moment-là. Oh, pas drôle. Bref, alors, ça m'a plu. Par rapport aux réserves que tu avais émises avant de la partie, oui, ça correspond. Est-ce que les changements que j'ai opérés de coloration produisent l'effet que j'escomptais? Est-ce que ça te convenait? Oui. On n'était pas sur du bisounours, on est sur Idis Matri version version 1000 veaux dans les Vosges. Dans les Vosges, où tout ça pourrait être transposé. Après, il y a plein de correspondances sur les Balkans. J'ai fait des, plein de recherches sur les noms. Et mon, et mon analyse, elle n'était pas totalement foireuse, selon toi ou... Bah, non, ça pouvait être encore une autre grille de lecture. Il y a, quand je fais une préparation, c'est toujours avec au moins deux ou trois grilles de lecture. Et alors, c'était une des tiennes ou c'est simplement moi qui... Bah, en partie une des miennes. Je pensais, j'ai hésité à le faire. Il y a deux choses que j'ai pas jouées, mais j'avais mis plein de choses pour pouvoir les jouer selon le, l'atmosphère du moment. La première, c'est Gaius qui voulait intervenir. Ouais, sauf que là, elle est pas modifiée. Je crois. Ah, si, si, elle est modifiée quand même. Elle a le droit de dire, papa. Gaius des forêts mentales était selon la façon dont vous gériez votre temps et votre, vos obsessions ou votre empreinte, il pouvait intervenir et être le lien qui vous évite le bain de sang avec les apocalyptiques qui accompagnent un épidémiologiste. Pas les apocalyptiques, les. Pardon. Hospitaliers. D'hospitaliers qui accompagnent des. Encore une fois, t'as fait un hack de 2000 veaux. Oui, enfin, on peut. Alors. Ce qui était possible aussi, c'est que ils vous, certains proposent. L'idée, c'est pas une scène. J'écris pas les scènes. Donc. Mais c'était une possibilité, selon l'envie du moment, ça pouvait être l'évangéliste qui vous enjoigne à vous convertir, mais qui renonce parce que vous avez un aspect différent, hein, du fait de la transformation crânienne, ou que les autres ne veuillent pas. Et, mais parmi les autres, certains disent qu'il faut vous laisser rejoindre la horde de Vuk Drakovic dont vous aviez entendu parler par ailleurs, et là ça faisait le lien avec Balkan, Gaius, autre aspect non joué. Oui. Et alternatif, c'était selon ce que vous faisiez dans le deuxième acte. Dans le deuxième acte, vous avez fait en fait profil bas, vous avez plus subi la menace qu'autre chose. Mmh. Voilà. Donc moi, je suis assez content du résultat. Oui. Je pense que Gabriel, Moi je me suis amusé, enfin je pense qu'on l'aura assez, enfin qu'on l'entendra bien sur l'enregistrement. Je faisais que de me marrer sur le dernier acte, avec notamment les. Bon, je sais que en soi, objectivement, c'est pas très marrant, mais moi je trouvais ça en quelque sorte amusant. Et c'est des... moi le système de jeu, autant au début j'avais un peu de mal à le comprendre. Évangéliste. C'était l'image dans le compte-rendu de ma minier, un peu retouchée. C'est, donc je l'ai pris dans Sainte Bible, les exorcistes, et c'est l'apocalypse de Saint Minier. Je trouvais que c'était de circonstance, par rapport justement à ces, cet évangéliste perdu dans les, autant j'avais dans pas... les tréfonds de Milvaux. Autant j'avais pas... Attends. Autant j'avais pas compris le système tout au début. Mmh. Enfin, j'avais à peu près compris, mais c'était que, pas une compréhension forcément. Enfin, c'était plus général qu'autre chose. On a dû le voir. Vous avez dû le voir au premier lancer de dés. J'étais un peu hésitant entre avec quel. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Puis je me suis vachement pris au système qui est. Très sympa comme la plupart des. Enfin, que je trouve très sympa comme la plupart des systèmes de jeu de Thomas Meunier, qui permet à chaque fois d'explorer une autre version de son univers ou d'univers post-apocalyptique en général. Donc le mécanisme te semble efficace et pour toi et accompagne. Accompagne ouais, avec brio. J'ai déjà mis mes réserves sur 6. Ok. Bon, on s'arrête là ? Oui. Ouais.